Chapitre 6e, Face à face. Elle ne tarda pas à comprendre ce que l'on désirait obtenir d'elle. Il s'agissait pour commencer d'apprendre à passer en France pour une femme du monde, un peu fantasque, riche, désireuse de jouer un rôle dans le mortel conflit des peuples. Bon gré mal gré, elle dut se laisser dresser par Frau Helena, qui avait du bon sens, de l'intelligence, de la perspicacité et une âme de caporal Schlag. Une autre femme succéda à Frau Helena et se chargea de polir le brillant déjà acquis. Celle-là était une authentique femme du monde qui jouait le jeu par une espèce de sadisme. Cultivée, d'éducation parfaite, instruite, elle était terriblement dangereuse et fine. Pourtant, elle se trompa sur Elsa, qu'elle prit pour une bonne petite provinciale, qui, sans la chance de la guerre, fut restée dans sa Gueldre natale, eut accompagné à l'orgue les psaumes du dimanche, et, bonne musicienne, solidement instruite, eut élevé ses enfants à son image. Elsa, grâce à ses conseils, parut s'affiner très vite. Elle ne prenait pas grand-peine à cela, puisqu'elle n'avait qu'à se laisser aller à sa propre nature. On lui avait donné en pleine ville un logis fort agréable, qui comportait un salon, une salle à manger, une chambre, une salle de bain. On lui avait acheté des robes, un très beau manteau, de la lingerie fine, et le temps passait agréablement. Von Priusch et von Kovler venaient parfois prendre le thé avec elle et l'éducatrice d'Elsa, qu'ils nommaient Gilda, et chaque fois ils paraissaient un peu plus enchantés de leur élève. Elsa, tout en ouvrant l'œil et l'oreille, se laissait vivre. Un beau matin, le 4e mois s'achevait de son entrée au service de l'Aigle Noir, on frappa assez rudement à sa porte. Elle avait la veille assisté à un concert en compagnie de Gilda, puis un souper qui s'était prolongé jusqu'à 2 heures du matin. Rentrée chez elle à 3 heures, elle dormait à poing fermé quand on la réveilla en sursaut. Elle passa une robe de chambre, alla ouvrir et se sentit blêmir. Sur le palier, il y avait 6 hommes, 4 armés de fusils, 2 sans armes, tous commandés par un Feldwebel. Une femme, qu'Elsa n'avait jamais vue, les accompagnait. « Vous êtes bien Anna von Grotters ?» demanda le Feldwebel. « Oui. Bon, habillez-vous, vite. Mais que me voulez-vous ? » dit Elsa toute pâle. « Vous le saurez à la Kommandantur. »« Vous la reconnaissez ?» ajouta le sous-officier en se tournant vers la femme qui les accompagnait. « Formellement, » répondit celle-ci. « Dépêchez-vous, mettez un peu de linge dans une valise, » reprit le sous-officier. « Je vous donne 10 minutes. »« Mais quoi, vous m'arrêtez ?» crie Elsa. « Mon Dieu, oui, tout arrive, » dit le Feldwebel. « Je suis perdu, » pensa Elsa. « On m'a reconnu et dénoncé. » Elle s'habilla en hâte, sous les regards de tous ces hommes, prit son nécessaire de toilette, une valise et descendit dans la rue où on la fit monter dans un fourgon militaire avec la troupe. À la prison où on la conduisit, il lui fallut subir l'humiliation de la douche réglementaire, puis, après un déjeuner qu'elle ne put avaler, tant son angoisse était grande, l'humiliation, plus grande encore, d'une séance complète de bertillonnage. On prit sa photographie de face, de profil, de 3/4, ses empreintes digitales, ses mensurations. On releva sur son corps toutes les marques, tous les signes particuliers qu'il comportait, et on la reconduisit dans sa cellule, où 24 heures durant, elle demeura enfermée, en proie aux plus sombres pensées, aux plus tristes réflexions. Mais, heureusement pour elle, Elsa n'était pas une imaginative. Elle ne bâtit pas tout un roman autour de son arrestation, ne se livra pas à des conjectures fâcheuses sur le destin qui l'attendait. Un conseil que lui avait donné Mercatori lui revint en mémoire. « Quoi qu'il vous advienne, accrochez-vous à votre personnalité d'emprunt, et soyez plus Anna von Grotters que jamais. » Elle résolut de s'en tenir là. Après tout, se dit-elle en se couchant le soir, c'est au Herr Dr. Berzelius et à Frau Helena que je dois d'être ici. Je n'ai pas tenté de m'introduire subrepticement dans leur ligne, ni de forcer la confiance de von Priusch. Attendons. Elle dormit toute la nuit, déjeuna de bon appétit, se promena 1 heure durant dans une cour, sous la surveillance d'un porte-clés, puis réintégra sa cellule où, vers 5 heures du soir, un sous-officier et 2 hommes en armes vinrent la chercher. On la conduisit dans une salle nue, où derrière une table tendue d'une grossière couverture de cheval se tenaient von Kovler, von Priusch, un autre officier allemand et un sous-officier installés devant une écritoire et des feuilles blanches. Devant la table était un escabeau sur lequel Elsa dut s'asseoir. Le sous-officier et les 2 hommes en armes l'encadrèrent. Et derrière von Priusch, Von Kovler et le troisième officier, tous trois rois des gourmets, se tenaient debout la femme inconnue d'Elsa, Van Hedeman et le colossal Jacob. « Vous vous nommez bien Anna von Grotters, née à Marne, le 23 octobre 1885, veuve de feu Angel von Grotters, fille de Philip von Grotters et de Jane von Hatzfeld, décédés tous deux. »« Oui, monsieur, dit Elsa. Pourquoi portez-vous, femme, votre nom de jeune fille ?»« Parce que j'avais épousé l'un de mes cousins. Vous mentez, dit von Prius, avec calme, mais d'un accent sans réplique. « Vous savez bien que non, » riposta Elsa. « Mais vous m'avez pris tous mes papiers, ils sont en règle pourtant, et s'ils ne l'avaient pas été, le docteur Berzelius ne m'eût pas envoyé vers vous. »« Vos papiers sont faux, » intervint von Kovler. Presque malgré elle, Elsa se mit à rire. « Cela non, » dit-elle, « ce sont mes papiers, bien authentiques. »« Inutile d'essayer de nous donner le change, » dit durement von Prius. Nous possédons là, dans ce dossier, les documents les plus certains sur votre véritable personnalité et sur vos agissements. Cette femme, notre agent, vous a vu à Paris, reconnue, signalée. Ces hommes ont recueilli sur vous, près de vos compagnes, des renseignements qui, vérifiés, ont été reconnus probants. Ce n'est pas la première fois que vous franchissez nos lignes, et nous n'ignorions rien de ce que vous y êtes déjà venu faire. Nous savons tout sur vous, dis-je, votre nom, vos occupations, tout. Vous êtes une espionne à la solde de la France. Vous vous trompez, monsieur le commandant, répondit nettement Elsa. Je ne suis pas une espionne. Je suis une honnête femme hollandaise, engagée à votre service, un peu et même beaucoup malgré elle. Je suis Anna Bathilda von Grotters. Comment témoignent mes papiers? N'êtes-vous pas allée à Paris? Oui, à l'âge de 17 ans, j'étais fiancée. Et c'était au moment où la France accueillait le président Kruger, à qui notre reine offrait l'hospitalité de son royaume, puisqu'il était vaincu, malheureux et fugitif. Depuis lors, je n'y suis jamais retournée. C'est facile à dire. Nous vous prouverons le contraire. Mais si vous avouez tout de suite, bénévolement, que vous êtes non pas Anna von Grotters, mais une autre personne que nous avons tout lieu de redouter, nous tiendrons compte de vos aveux. Sinon, je vous avertis que vous risquez le peloton d'exécution. Dit von Kovler. Dois-je ouvrir ce dossier? Dit à son tour von Prius. Dois-je vous prouver que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être, mais bien une autre? Vous risquez la mort presque immédiate, car nous sommes ici régulièrement constitués en cour martiale. La sentence sera exécutée demain, au lever du soleil, pensez-y bien. Je suis Anna von Grotters, cria Elsa avec violence, et pas une autre, je le maintiens envers et contre tous. Voulez-vous signer vos déclarations? Oui. Bien, lisez, greffier. Le greffier, de sa voix monotone, lut toute une page des déclarations d'Elsa, qui signa d'une main moite et pâle, mais ferme. La parole est à votre haute noblesse pour la lecture de la sentence. Dit von Prius à von Kovler. Le président de la cour martiale, dit von Kovler, vous condamne, accusé, à regagner votre hôtel, à y faire toilette et à accepter le dîner que ses assesseurs et lui-même seront heureux de vous offrir. Elsa, abasourdie, écoutait. Ce n'était qu'une épreuve, chère Anna, dit en riant von Prius. Si jamais vous étiez pincé par les Français ou les Anglais, tenez-vous devant eux comme vous vous êtes tenu devant nous, et tout ira bien pour nous et pour vous. « Excusez-nous, si la farce a duré plus que de raison. Mais nous avons des ordres, et, militaires, il nous faut obéir. On va vous reconduire chez vous. Et ce soir, après le dîner, je vous dirai ce que vous et moi, sous les apparences d'Angel von Grotters et de sa femme, nous irons à bon point faire en France. Sans rancune ?»« Sans rancune, dit Elsa. Elle était à la fois furieuse et ravie. »